Je titube et je tombe, il y a une lumière qui flotte dans mes bras, une lune ou un phare. Que la mer reflète les étoiles, encore défoncer le ciel, sauf que la nuit brille malgré elle, mon corps déborde, ma bouche et le sable. Essaie d'éponger, faut un truc qui nettoie, faut toujours que tu sois là à me dire ce qui ne va pas sans comprendre pourquoi. Tu croyais que j'étais parfait, je me répands sur la plage, heureusement que tu ne me vois pas, avec l'intérieur de moi qui brille comme la nuit, sans doute, bien malgré moi.